بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Je suis très heureux de vous retrouver mes très chers frères et sœurs aujourd'hui le dimanche 10 Ramadan 1441 de l'Hégire correspondant au 3 mai 2020. Nous nous retrouvons afin de poursuivre notre étude de la biographie de notre noble prophète, alayhi salatu wassalam. Et avant de commencer, il y a des frères qui se sont posé la question sur al-hajj qu'effectuaient les Arabes avant l'islam. Et ça, je l'ai mentionné dans le cours précédent. Et ils ont trouvé peut-être étrange que le pèlerinage a été accompli avant l'islam. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Arabes étaient sur la religion de Ibrahim alayhi salam, sur le monothéisme pur. Avant qu'un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuzai ne parte dans Cham, je ne vais pas dire la Syrie, parce que Cham, c'est pas uniquement la Syrie. Et quand il est parti vers Cham, il a vu les gens là-bas adorer les idoles et les statues. Et ça lui a plu. Et c'est là où il a ramené avec lui la première statue qui était introduite dans la péninsule arabique, dans le Jazira. Cette statue qui s'appelle Hubal, c'est une des statues les plus vénérées par les Arabes, si ce n'est pas la plus vénérée par les Arabes, de manière absolue. Et depuis, chaque tribu a commencé à prendre une statue qu'il posait autour de la Kaaba. Et chaque tribu avait une journée dans l'année dans laquelle elle venait vénérer et adorer son statue devant la Kaaba. Mais sinon, avant, ils étaient sur la religion de Ibrahim alayhi salam. Mais malgré la falsification de beaucoup de la vérité sur laquelle ils étaient, il y a des choses qui sont restées de cette religion de Ibrahim alayhi salam, entre autres le pèlerinage. Mais bien évidemment, c'était pas dans sa forme juste. Tout a été falsifié chez eux, mais dans sa forme, c'était quelque chose qui ressemble au pèlerinage. Il y avait tawaf autour de la Kaaba, il y avait sa'i entre Safa et le Marwa, il y avait la station de Arafat, mais avec des modifications qu'ils ont apportées dans le pèlerinage. Donc effectivement, il y avait le pèlerinage avant l'islam, mais le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il a été envoyé, il a réformé toutes leurs falsifications du pèlerinage et il nous a légiféré le pèlerinage qu'on connaît aujourd'hui, qui est la manifestation par excellence du tawhid, shi'ar al-tawhid. Également, à notre frère s'est posé la question par rapport à quand j'ai évoqué l'apostasie des mécréants de Quraysh suite à l'ascension, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les informait de l'Isra et le Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Il y en a, comme ça a été rapporté, donc le terme en arabe c'est irtaddu. C'est pour ça, il y a des savants qui ont vu que certains parmi les compagnons ont apostasié quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé de son voyage nocturne et de son ascension vers les sept cieux. Mais l'avis juste, wallahu alam, celui qui a été rapporté par l'imam Ibn Kathir et celui qui a été cité par d'autres hommes de science, c'est que le terme irtad ici, qui signifie apostasie, n'est pas utilisé dans le sens il a délaissé l'islam vers la mécréance, mais il est utilisé dans le sens qu'ils se sont enfoncés encore plus dans leur mécréance, qu'ils se sont enfoncés encore plus dans la mécréance. Et ils ont sorti des éléments du hadith qui permettent de confirmer cette compréhension. Et en plus, pour ne pas penser un mal d'un compagnon sans qu'il y ait un argument clair et explicite. Wallahu a'lam. Sinon, on avait parlé de al-aqab al-oula, le premier pacte d'allégeance qu'il y a eu entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses 6 hommes ou 8 selon les versions sénédinois de la tribu de Khazraj. Donc ça c'est la première rencontre. Après le pacte, il a eu lieu entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et 12 hommes parmi les médinois. Les 6, c'était la première rencontre qui a eu lieu entre des médinois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a proposé l'islam, ils l'ont accepté. Et ils sont repartis comme des du'at à Médine. Et l'année suivante, ils sont revenus, 12 parmi eux, ils ont fait le premier pacte qui a été fait dans l'islam, Bay'atul Aqabatil Oula. Et ça a été nommé le pacte de l'Aqaba, parce que ce pacte a eu lieu dans un endroit qui s'appelle l'Aqaba. Cet endroit, il se trouve à ta gauche, quand tu viens de Mecca vers Mina, dès que tu arrives à Mina, à ta gauche, c'est cet endroit-là qui s'appelle l'Aqaba. Pour ceux qui connaissent, il est en face du restaurant Al-Bek. Ce restaurant qui est très connu ici en Arabie Saoudite, malgré que ce qu'il propose est très nocif et dangereux pour la santé. Entre parenthèses, donc je disais que l'endroit s'appelait l'Aqaba. Et l'Aqaba, elle se trouve avant que tu arrives aux 3 stèles. Le 3 stèles qui sont lapidés par les pèlerins, tout le monde sait que c'est tout au début de Mina, quand tu arrives de Mecca. Il faut savoir que l'Aqaba, c'est encore avant d'arriver à ces stèles. C'est cet endroit-là dans lequel les compagnons, les Médinois, se sont rencontrés avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait le premier pacte. Comme on a vu, ils l'ont appelé le pacte des femmes, parce que dans ce pacte, il n'y avait pas de guerre. Et le djihad n'était pas encore légiféré. Et ils ont donné rendez-vous au prophète alayhi salam l'année suivante, on a vu qu'il a envoyé avec eux Mus'ab ibn Umair et Ibn Ummi Maktoum pour leur enseigner le Coran, radiyallahu anhum. Et ils se sont donné rendez-vous l'année suivante avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans cette année, ils sont revenus, ils étaient au nombre de 73 hommes. Et 2 femmes. 73 hommes et 2 femmes. Les 2 femmes, c'est Umm Umara, Nasiba bint Ka'b ibn Amr. Et son fils, le fils de cette femme, c'est lui, et il s'appelle Habib ibn Zayd ibn Asim ibn Ka'b. C'est lui, radiyallahu anhu, qui a tué Musaylim al-Kadhab, cet imposteur qui a prétendu être prophète parmi les Banu Hanifa. C'est son fils qui l'a tué. Et la deuxième femme, c'est Asma bint Amr ibn Adi, Ummu Mani'a, radiyallahu anhun. Et parmi les hommes, il y avait, comme on a vu, 73 parmi les hommes, et 2 femmes qui ont fait ce deuxième pacte d'allégeance qui a eu lieu l'année 12 de la prophétie. L'année 13 de la prophétie. La première rencontre a eu lieu, en commençant par l'Isra al-Mi'raj. L'Isra al-Mi'raj a eu lieu l'année 10, après l'année 10. La première rencontre l'année 11, la deuxième l'année 12, et la troisième dans laquelle a eu lieu le pacte de l'Aqaba, le deuxième, qui va préparer le terrain pour l'émigration du prophète alayhi salatu wasalam. Cette pacte d'allégeance a eu lieu l'année 13 de la prophétie. Et donc, comme j'ai dit, la première femme, elle s'appelle Umm Umara, sa kunya c'est Umm Umara, et la kunya de la deuxième, c'est Umm Mani' radiyallahu anhum. Donc, ils ont fait ce pacte d'allégeance au prophète alayhi salatu wasalam dans une discrétion absolue. Et personne parmi les kuffars de Quraysh n'ont pu être mis au courant de ce pacte d'allégeance. Et le pacte d'allégeance, avant de mentionner ça, d'abord l'Abbas radiallahu anhu était présent dans ce pacte. L'Abbas radiallahu anhu était présent dans ce pacte, l'oncle du prophète alayhi salatu wasalam, alors qu'il était encore sur la religion de ses ancêtres. Il était encore dans la mécréance. Il a assisté parce qu'il a voulu prendre des garanties pour son neveu et s'assurer que sa protection sera garantie et que ces hommes-là, ces Médinois, ne vont pas rentrer avec le prophète alayhi salatu wasalam dans un engagement sans avoir connaissance d'une manière parfaite des conséquences qui sont très lourdes. Les choses dans lesquelles ils s'engagent, ce sont des choses extrêmement lourdes. C'est la guerre annoncée à tous les Arabes. Donc ils voulaient s'assurer qu'ils allaient respecter cet engagement jusqu'au dernier instant. Et à la tête de ces 73 hommes et de femmes, à leur tête, il y avait Al-Bara ibn Ma'rour, radiyallahu anhu, un homme qui a un grand statut dans ce pacte, qui a eu un grand statut dans ce pacte, un homme très notable des Médinois, et qui, comme on va le voir, bi-idhnillah, il avait un rôle très très important dans la finalisation de ce pacte d'allégeance, radiyallahu anhu. Et l'Abbas, radiyallahu anhu, qui était encore mécréant, a commencé par parler, et il voulait s'assurer du respect de cet engagement de la part des Médinois. Et quand il a fini de parler, ils lui ont dit, nous avons entendu ce que tu as dit. C'est-à-dire, c'est bon. Et ils ont demandé au prophète, alayhi salatu wasalam, de parler. Et d'imposer ses conditions et les conditions de son Seigneur dans ce pacte afin qu'il les accepte. Donc ce pacte, tout d'abord, il a été fait entre le prophète alayhi salatu wasalam et ses hommes. Comme ceci est rapporté dans un hadith authentique, il a été fait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, ô messager d'Allah, impose tes conditions et les conditions de ton Seigneur. Il a dit, vous me faites le pacte d'allégeance sur le fait de me protéger des choses desquelles vous protégez vos femmes et vos enfants. Uniquement ça. Vous allez me protéger comme vous protégez vos familles. Et Al-Bara ibn Ma'rour, radiyallahu anhu, il a pris la main du prophète, alayhi salatu wasalam, il lui a dit, au messager d'Allah, nous allons te protéger comme nous protégeons nous aux hommes. Al-Izar, c'est le pan. C'est le vêtement qui est porté pour couvrir la partie inférieure du corps. Car comme vous savez, les Arabes, ils s'habillaient avec deux morceaux de tissu. Le premier, il couvre avec la partie supérieure qui s'appelle Rida, et le deuxième, il couvre la partie inférieure qui s'appelle Izar. Comme s'habille le pèlerin. Quand il rentre en état de sacralité, il porte deux morceaux de tissu. Et c'est une sunna que ce soit blanc pour le pèlerin. Et comme s'habillent les gens du Yémen encore aujourd'hui. Donc ils lui ont dit, nous allons te protéger de la même manière que nous protégeons notre panne. Ça signifie de la même manière que nous protégeons notre aura, nos parties intimes. C'est pour montrer, yani c'est plus fort. Nous allons te protéger, quoi qu'il arrive, dans toutes les circonstances, contre tout mal. Et nous allons te protéger avec une force et une détermination, comme l'homme protège sa aura. Il n'y a pas plus que ça. Et il lui a rappelé qu'ils sont des guerriers et que l'art de la guerre, ils l'ont hérité de leurs ancêtres. Et à ce moment-là, est intervenu un autre homme parmi les Médinois qui s'appelle Abul Haytham ibn Tayyihan. Il a dit, ô messager d'Allah, tu sais qu'il y a entre nous et les gens, et il désigne par les gens, les juifs de Médine. Hier, j'avais mentionné les trois tribus juives de Médine et j'avais oublié la troisième. La troisième, c'est Banu al-Qaynuqa'a ou Banu Qaynuqa'a. À Médine, il y avait trois tribus juives. Banu al-Nadir, Banu Qurayda et Banu Qaynuqa'a. Et donc, il lui a dit qu'entre nous et les juifs, on a des engagements et on a des pactes lourds. Et on est prêt à tout arrêter avec eux. Et à tout interrompre avec eux. Mais quand Allah, il te permettra d'apparaître avec ta religion et de dominer, est-ce que tu vas retourner chez les tiens, c'est-à-dire les Mekwa? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un sourire. Il a dit non. Je suis de vous et vous êtes de moi. Je combattrai tous ceux que vous allez combattre. Et je rentrerai en paix avec tous ceux avec qui vous allez entrer en paix. Et une fois que ce pacte était presque finalisé, et avant sa fin, se sont levés deux hommes qui voulaient marquer ce pacte et qui voulaient s'assurer que les Médinois sont conscients dans quoi ils rentrent et dans quel engagement ils s'inscrivent. Ces deux hommes, c'est l'Abbas ibn Nadla et As'ad ibn Zurara, ces deux grands compagnons, radiyallahu anhum. Et le premier qui a commencé, c'est l'Abbas ibn Nadla. Il a dit, vous savez sur quoi vous faites ce pacte d'allégeance à cet homme? Ils ont dit oui. Il leur a dit, vous lui faites pacte d'allégeance pour combattre le rouge comme le noir parmi les gens. C'est-à-dire toute l'humanité. Vous allez rentrer en guerre contre tout le monde. Et alors, si vous voyez que si jamais, à cause justement de ces guerres et de ces épreuves que vous allez rencontrer suite à ce pacte, vous voyez que si jamais vous êtes touché dans vos biens, vos enfants, vos familles, et vous allez abandonner le pacte, alors ne le faites pas aujourd'hui, car c'est meilleur pour vous. Car c'est meilleur pour vous. Ils ont dit, par Allah, quoi qu'il arrive, nous allons prendre cet engagement vis-à-vis du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, ô messager d'Allah, si jamais on tient notre engagement, qu'est-ce qu'on aura? Il a dit, le paradis. Et ils lui ont dit, tends ta main alors, afin qu'on te fasse le pacte d'allégeance. Et à ce moment-là encore, il s'est levé, As'ad ibn Zurara, radiyallahu anhu. Il leur a dit, doucement, doucement, ne vous précipitez pas, car nous n'avons pas fait tout ce voyage à deux chameaux. sans savoir que cet homme, c'est bien le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. On sait que c'est le messager d'Allah. Sur ça, on est d'accord. Et on sait que s'engager avec lui aujourd'hui, c'est prendre tout le monde comme ennemi. Et c'est la guerre qui vous sera annoncée de toutes les tribus. Et c'est la mort des notables parmi vous. Si vous patientez, alors votre récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous craignez ne pas pouvoir respecter cet engagement, délaissez-le dès maintenant, car c'est meilleur pour vous auprès d'Allah. Et Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Ils ont dit, Ô Saad, écarte-toi. Par Allah, nous allons jamais délaisser ce pacte d'allégeance au prophète, alayhi salam, quoi qu'il arrive. Et quand Saad était assuré, il avait toutes ses garanties. Saad, bien évidemment, n'oubliez jamais que c'est un homme qui était dans les 6, dans les 12 et dans les 73. C'est l'homme qui a accueilli Moussa ibn Umayr à Médine. Et avec lui, ils se sont entraînés pour la propagation de la religion. Ce grand homme dans l'islam. Donc, As'ad, radiallahu anhu, une fois qu'il a vu, il s'est assuré de leur engagement et de leur sérieux, et qu'ils sont conscients dans quoi ils s'engagent, et qu'ils s'engagent avec clairvoyance, il a pris la main du prophète, alayhi salatu wassalam, et il a mis sa main dans sa main, et il lui a fait le pacte d'allégeance, et ainsi c'était le premier homme qui a fait le pacte d'allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam, et ensuite se sont suivis les hommes après lui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé le paradis à tout homme qui lui faisait cette bay'a, si jamais il patiente et il respecte son engagement. Dans d'autres versions, le premier qui a fait le pacte au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Bara ibn Ma'rour, radiyallahu anhu, le chef de ces 73 hommes médinois. C'est lui qui aurait fait le pacte le premier. En tout cas, c'est un des deux. Et par contre, avec les femmes, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur faisait le pacte d'allégeance sans leur serrer les mains, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serrait pas les mains aux femmes, mais avec la parole. Il faisait le pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la parole. Et quand ce pacte d'allégeance était finalisé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, désignez-moi 12 hommes, 9 parmi le Khazraj et 3 parmi l'Aous, qui seront yani, comme des chefs, comme des référents pour vous à Médine, et vers lesquels vous allez revenir à Médine. Et effectivement, ils ont désigné Ubad ibn Samit radiallahu anhu, le grand compagnon, un des maîtres, des plus grands maîtres même de Médine. Al-Bara ibn Ma'rour, le chef de ce groupe de 73 hommes et de femmes. Abdullah ibn Rawaha, le grand compagnon. Sa'd ibn Rabi' radiallahu anhu. As'ad ibn Zurara. Et Sa'd ibn Ubada, Al-Mundhir ibn Amr. Et Usayd ibn Hudayr radiallahu anhu. Et Sa'd ibn Khaythama et Abdullah ibn Haram, le père de Jabir. Par rapport à Abdullah ibn Haram, il y a des savants qui disent que quand il a été désigné, il était encore sur la mécréance. Il n'était pas encore entré dans l'islam. Et ils ont dit qu'ils l'ont choisi parce que c'était un homme notable et un des maîtres des Médinois, et parce qu'il avait une perspicacité dans ses avis, dans ses opinions. Yani, c'est un homme qui avait des fortes opinions. C'est pour ces raisons qu'ils l'ont choisi, malgré qu'il était encore sur la mécréance. D'autres savants disent que c'est la nuit même de ce pacte qu'il est entré dans l'islam et qu'il a participé comme musulman. Et je suis arrivé à Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram, bien évidemment, c'est le père de Jabir. Jabir ibn Abdullah, le grand compagnon, le grand rapporteur de Ahadith, radiyallahu anhu. Et Rafi ibn Malik, et le dernier, c'est Abu al-Haytham ibn Tayyihan, qu'on a vu souvent, radiyallahu anhu. Et le pacte a été fait sur 5 points, comme ceci a été rapporté de Jabir, radiyallahu anhu. Il a dit, nous avons dit au messager d'Allah, on va te faire le pacte d'allégeance sur quoi? Il a dit, sur l'écoute et l'obéissance, dans l'aisance et dans la difficulté, dans la facilité et dans la difficulté, dans toutes les circonstances. Écouter et obéir au gouverneur. Et le gouverneur ici, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, ça nous montre l'importance de l'obéissance au gouverneur musulman. Le gouverneur, du moment qu'il est musulman, c'est une obligation pour toi de lui obéir dans Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Et il n'y a qu'une seule condition qui est requise, c'est l'islam. Si c'est pas un musulman, si c'est un mécréant, et que les savants qui sont ancrés dans la science ont dit qu'il est mécréant, dans ce cas-là, c'est une obligation de le retirer. C'est une obligation de le retirer. Et comme toutes les obligations dans l'islam, وَلَا وَاجِبَ إِلَّا مَا اَقْتِدَارِ. Rien n'est obligatoire si on n'a pas la capacité. Donc, c'est une obligation, mais pour ceux qui ont la capacité. Si c'est pour couler le sang des musulmans et pour créer la panique dans le pays et pour yani arriver à un mal plus grand, il faut pas le faire. Et dans tout ça, bien évidemment, ça c'est la partie théorique que je vous ai dit. Mais dans les cas réels, on ne doit pas agir de nous-mêmes. On doit revenir aux savants et les interroger. C'est eux qui connaissent le maslaha et le mafsada, les bienfaits et les méfaits. Est-ce que renverser cet homme qui est mécréant, est-ce que c'est un bienfait ou c'est un mal, il y aura plus de malfaits que de bienfaits? Dans tout ça, on revient aux hommes de science. Mais ici, j'ai mentionné ça pour montrer l'importance de sam' wa ta'a dans l'islam. Comme ceci a été rapporté de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il disait, « La islama illa bi jama'a, wa la jama'ata illa bi imara, wa la imara'ta illa bi ta'a. » Il n'y a pas d'islam sans groupe des muslimines. Comme il n'y a pas de groupe sans gouverneur. Et comme il n'y a pas de gouverneur sans obéissance. Si on n'obéit pas au gouverneur, il sert à quoi alors? Et bien évidemment, l'obéissance au gouverneur, c'est dans l'obéissance à Allah. S'il ordonne une désobéissance, tu ne dois pas obéir. Sauf si tu crains pour ta personne, et là tu seras dans la contrainte. Ou pour ta famille. Ou pour tes biens. Tu seras dans la contrainte. Mais sinon, on n'obéit pas à une créature dans la désobéissance au Créateur. Mais le Khawarij, quand il arrive à ce point, ils disent, tu ne lui obéis plus jamais. Et ça, c'est contraire à Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Même le gouverneur musulman qui ordonne un péché, tu lui obéis pas dans le péché, mais tu continues à lui obéir dans le reste, qui sont des obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas une cause et une raison valable pour s'insurger contre lui, et pour chercher à le renverser. Comme le font les Khawarij. Le deuxième point que le prophète alayhi salam a mentionné dans ce pacte d'allégeance, c'est de dépenser dans le sentier d'Allah. Car da'wah elle est dans son début, et da'wah a besoin de moyens pour la propager. Mais c'est pas une condition. On doit faire da'wah selon nos moyens. Et ne pas s'imposer des contraintes et dire que j'ai besoin de tant et tant d'argent pour faire da'wah. Non. Tu peux faire da'wah avec un dirham, fais da'wah avec un dirham. Tu peux la faire avec 5 dirhams, fais-la avec 5 dirhams. Mais ne va pas demander pour faire da'wah. Si quelqu'un il vient, il propose Naam. Mais demander aux gens et récolter l'argent des gens sous prétexte que moi je veux faire tel khair ou hadi, ça c'est pas la guidée de salaf, radiyallahu anhu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla, décrit dans le Coran en disant وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. Il ne vous demande pas vos biens, c'est lui qui vous donne. Mais celui qui veut aider dans le bien, il est le bienvenu. Donc, le deuxième point, c'est les dépenses dans le sentier d'Allah, dans la facilité et dans l'aisance également. Chacun selon sa capacité, chacun selon ses moyens. Le troisième, c'est l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ordonner le convenable et interdire le blâmable. Et le quatrième, c'est de dire la vérité, quoi qu'il en soit. Et le cinquième et dernier, c'est une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivera parmi eux, de le protéger, comme ils protègent leur personne, leur propre personne, leurs épouses et leurs enfants. C'est-à-dire de la même façon qu'ils protègent leur famille. Et eux, ils ont dit plus que ça, ils ont dit, on te protège au messager d'Allah comme on protège notre awra. Radiallahu anhum wa ardahum. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, et vous aurez le paradis pour celui qui respecte cet engagement et ce pacte. Radiallahu an kulli sahaba, sahabati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc une fois que le pacte a été finalisé, les compagnons étaient sur le point de se disperser et que chacun rentre chez lui dans sa tente à Mina. Et à ce moment-là, Shaytan a découvert cette rencontre qui a eu lieu entre les compagnons, entre les Médinois et le prophète alayhi salatu wassalam. Il a découvert leur rencontre avant qu'ils commencent à se disperser. Et afin d'avertir les têtes de la mécréance parmi Quraysh et afin qu'ils arrivent et qu'ils capturent ces hommes qui ont fait ce pacte d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, il a crié sur l'Aqaba. L'Aqaba, c'est l'endroit que je vous ai décrit précédemment. Il a crié d'une manière tellement forte qu'on n'a jamais entendu un cri similaire. C'est comme ça que ça a été décrit. Il a dit, Ya ahl al-Jabajib. Al-Jabajib, c'est les maisons de Mina. Ô vous, les gens de Mina. Hal lakum fi mudhammamin was-subat. Est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez savoir ce qui s'est passé entre mudhammam? Mudhammam, c'est comme ça qu'il l'appelait. Ils inversaient le sens du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils inversaient le sens du nom du prophète, alayhi salatu wassalam. Son nom, son prénom, c'est Muhammad. Celui qui est loué. Et celui qui loue Allah beaucoup également. Et eux, ils disaient l'inverse. Mudhammam, celui qui est blâmé. Et Sobat, comme on a vu ça également, Sobat, c'est comme ça qu'ils décrivaient les muslimines. C'est comme s'ils disaient qu'ils ont apostasié. Ils ont délaissé la religion de leurs ancêtres. Ils sont entrés dans cette nouvelle religion avec laquelle est venu cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ils se sont réunis pour votre combat. Ils se sont mis d'accord pour votre combat. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ce cri, il a dit, ça c'est un shaitan qui s'appelle Azab, un shaitan de l'Aqaba, qui se trouve dans cet endroit. Et il leur a dit, dispersez-vous, que chacun retourne dans sa tente. Ceci a été rapporté avec une bonne chaîne de transmission dans Sira de l'imam ibn Ishaq, rahimahullah. Quand Kuffar Quraysh ont entendu ce cri, quand ils ont entendu ce cri, ils sont venus, les têtes parmi eux, ils sont venus voir les Médinois dans leurs tentes. Et bien évidemment, dans les tentes, il y avait les kuffars et les muslimines. Et les muslimines sont sortis dans une discrétion totale. Ils sont revenus, personne ne s'est rendu compte. Et quand ils sont venus, les têtes de kuffars, ils ont dit, C'est vrai ce qu'on a entendu, que vous avez fait un pacte d'allégeance avec Muhammad pour nous combattre et que vous allez l'accueillir chez vous à Médine. Est-ce que ça c'est vrai? Et ceux qui ont répondu, c'était les mécréants. Et les musulmans n'ont rien dit. Les mécréants ont commencé tout de suite à dire, non, c'est faux, on n'a jamais fait ça, et on n'a jamais pensé à faire ça. Et les koufars étaient un peu rassurés, mais au fond d'eux, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui s'est déroulé. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé des espions, ils ont cherché des traces de cette rencontre, et finalement, ils étaient confirmés que bien et bel et bien un pacte a été accompli entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses Médinois. Et ils ont commencé à faire des menaces et ils ont même capturé deux d'entre eux qui ont pu être libérés par la suite. Et les autres, après la fin de l'Hajj, ils ont pu repartir chez eux, chacun chez lui à Médine. Ils ont tous pu repartir chez eux à Médine. Et quand ces Médinois, ces musulmans, ces compagnons, radiallahu anhum, quand ils ont vu ce mal que Quraysh et ces menaces de Quraysh, et ce mal qu'ils ont commencé à vouloir faire, ils ont demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre tout de suite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ceci ne m'a pas été ordonné. C'est-à-dire le combat n'était pas encore légiféré. Le combat n'était pas encore légiféré. Et chacun, ils sont tous repartis à Médine, radiallahu anhum, où ils ont continué leur da'wah. Ils ont continué leur da'wah. Donc on a parlé de Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhum. Et on a parlé de As'ad ibn Zurara. Mus'ab ibn Umayr, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelait Mus'ab al-Khayr, Mus'ab du bien. Mus'ab, c'est un homme, c'est un des grands compagnons, radiallahu anhu, des très très grands. Et Mus'ab, radiallahu anhu, il ressemblait beaucoup, c'était celui qui ressemblait le plus au prophète, alayhi wa sallam, physiquement. C'est lui qui lui ressemblait le plus dans son visage, et ainsi de suite. Mus'ab, radiallahu anhu, il a fait les deux émigrations. L'émigration vers l'Éthiopie, l'Habasha, et l'émigration vers le Médina. Il a assisté à la bataille de Badr. Il a participé dans la bataille de Badr, radiallahu anhu. Et vous savez que ceux qui ont participé dans la bataille de Badr parmi les compagnons, c'est les meilleurs des compagnons, de manière absolue. 314 hommes, c'est les meilleurs. Également, ceux qui ont participé dans la bataille de Badr parmi les anges, à leur tête Jibril alayhi salam, c'est les meilleurs des anges auprès d'Allah. Mus'ab a participé également dans la bataille de Uhud, dans laquelle il portait l'étendard des musulmans. Et dans cette bataille, il a fait preuve d'un bravoure et d'un courage qui n'a pas de semblable, radiyallahu anhu. Et le grand ennemi d'Allah, Abdullah ibn Qami'a, quand il a aperçu Mus'ab ibn Umayr de loin, il pensait que c'était le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et il s'est approché de lui et il a frappé sa main avec son épée. La main avec laquelle il portait l'étendard, il lui a coupé la main droite. Et après, Mus'ab radiallahu anhu a pris l'étendard avec l'autre main, la main gauche, et cet ennemi d'Allah a coupé l'autre main avec son épée. Et ensuite, Mus'ab n'a pas lâché encore l'étendard. Il l'a pris, il l'a serré sur sa poitrine avec ce qui reste de ses bras, radiallahu anhu wa arda. Il l'a serré contre sa poitrine, et là, cet ennemi d'Allah, là, lui a donné un autre coup avec l'épée, il l'a tué, il l'a fait tomber de son cheval, radiyallahu anhu. Et ainsi, Mus'ab est tombé martyr dans cette bataille, la bataille de Uhud, radiyallahu anhu arda. Et Mus'ab, bien évidemment, avant son islam, c'était un enfant très gâté et chouchouté par sa mère. C'était un fils unique de sa mère. Et il était connu pour être un jeune homme très très chic à Mecca. Il s'habillait avec les meilleurs des vêtements. Et il se parfumait avec les meilleurs des parfums. Au point où quand il vient, tu sens de loin, de très loin, tu sens son parfum, son beau parfum. Et son bon parfum. Mais quand il est entré dans l'islam, cela n'a pas plu à sa mère. Et elle a tout fait pour le faire sortir de l'islam. Et pour elle, ça allait être une mission facile. Parce qu'elle connaissait son fils. Il était habitué à l'aisance et à une certaine luxure dans la vie. Pour elle, elle allait le priver de tout ça et après il revient. Mais Allah Azza wa Jal l'a maintenu sur sa religion et il est resté ferme sur sa religion malgré tout ce qu'il a subi de la part de sa mère, radiyallahu anhu. Et par la suite, il a été touché par une grande pauvreté. Il a vécu, radiyallahu anhu, une pauvreté indescriptible, radiyallahu anhu. Cet homme qui était comme ça avant dans le jahiliya, regardez comment il est devenu dans l'islam. Comment il a eu un délaissement complet de ce bas monde. Comment ce bas monde ne représentait plus rien pour lui. Au point où quand il est décédé, radiyallahu anhu arda, ils n'ont pas trouvé de quoi le couvrir avant de le placer dans sa tombe. Ils lui ont pas trouvé de linceul, excepté un petit morceau de tissu qu'il a délaissé derrière lui. Et son héritage, c'était uniquement ça. Il n'a rien laissé derrière lui, excepté ce tissu. Et avec ce tissu, quand il couvrait sa tête, ses pieds se découvrent. Et quand il couvrait les pieds, la tête se découvre. Le Nabi sallallahu alayhi wa quand il a vu ça, il a dit, couvrez-lui la tête avec et mettez-lui du idkhir sur les pieds. L'idkhir, c'est une plante qui est très répandue dans la péninsule arabique, surtout à Mecca. Et cette plante, elle a beaucoup de vertus médicales. En français, elle s'appelle la citronnelle. Et elle est très bonne pour la santé. On peut la boire en infusion ou des choses comme ça. Elle a beaucoup d'utilisation dans les domaines de la médecine prophétique. Donc c'est ainsi qu'était la fin de Mus'ab radiyallahu anhu. Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu, un des compagnons, les premiers dans l'islam, un des compagnons qui ont été le plus torturés dans l'islam. Khabbab ibn al-Arat. Et ça, je pense que je l'ai mentionné déjà. Khabbab ibn al-Arat, quand il pensait à Mus'ab ibn Umayr, Mus'ab ibn Umayr, il est décédé martyr dans la bataille de Uhud, qui a eu lieu l'année 3 de l'Hégire, dans le mois de Shawwal. Donc, il est décédé très tôt dans l'islam. 3 ans seulement après l'Hijra. Et As'ad ibn Zurara, qu'on va voir, il est décédé dans la première année de l'Hijra. Les deux sont décédés très très tôt dans l'islam. Ils n'ont pas vu les fruits de leur da'wah en dehors de Médine. Certes, ils ont fait da'wah à Médine, ils ont vu des résultats et l'islam s'est propagé. Mais ils n'ont pas vu les fruits de leur da'wah à l'extérieur de Médine. Mais auprès d'Allah, tout ça sera comptabilisé. Les hommes à qui ils ont fait da'wah à Médine, c'est eux qui ont propagé l'islam en dehors de Médine. Et tout ça, c'est dans la balance de leur hasanat, radiyallahu anhum wa ardahum. Donc, je disais, Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhum, quand il pensait à Mus'ab ibn Umayr, et les sahaba, ils savent tout ce qui est Mus'ab ibn Umayr. Ils savent son statut. Quand il pensait à Mus'ab ibn Umayr, Il disait, certes on a fait le hijra en cherchant la satisfaction d'Allah avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, mais après il y en a certains parmi nous qui sont décédés avant d'avoir quoi que ce soit de leur récompense avancée dans le dunya. Car sache mon frère et ma sœur que tout ce qu'Allah donne de ta récompense dans le dunya, c'est une diminution de ta part dans l'akhira. Les sahaba, ils avaient très peur de ça. C'est pour ça ils savaient le mérite de ceux qui sont décédés avant que la dunya s'ouvre sur les musulmans, avant les conquêtes et avant les butins des Romains et des Perses et tout ça, la richesse. Ces sahaba sont décédés dans des états comme on a vu. L'un d'entre eux ne trouve même pas un linceul. Il ne trouve même pas de linceul pour le couvrir dans sa tombe, radiallahu anhum. Et il pleurait beaucoup, Khabbab ibn al-Arat, quand il évoquait Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhum. Donc, ça c'est quelques-uns parmi les sacrifices des compagnons, radiallahu anhum, et tout ce qu'ils ont fait pour cette religion, et pour que cette religion soit propagée, et quand Allah leur a accordé cette certitude sur l'islam. La certitude, mes frères, c'est la plus grande ni'ma qu'Allah t'accorde dans l'islam. Il n'y a pas une ni'ma plus grande que la certitude. Et la deuxième plus grande ni'ma dans l'islam, c'est qu'Allah te préserve, al-afiya, il te préserve dans ta religion des doutes et des ambiguïtés, il te protège dans ta santé des maladies, il te permet d'adorer Allah avec une bonne santé qui t'aide dans cela. Il te préserve dans sa famille, dans ta famille et dans tout ce qu'il t'a octroyé. Ça c'est l'afiya. Mais la plus grande ni'ma dans l'islam, c'est la certitude. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith authentique. Donc ces hommes, quand ils ont eu cette certitude sur l'islam, et comme c'est des hommes qui ont connu le jahiliya avant de connaître l'islam, c'est pour ça qu'ils ont su la valeur de l'islam, contrairement à nous qui sont nés dans l'islam. En général, la plupart d'entre nous ne connaissent pas la valeur de ce don, de ce grand trésor qu'Allah leur a donné, l'islam. Allah t'a donné l'islam, c'est la meilleure chose qu'Allah donne dans le dunya. Est-ce que tu comprends ça? Allah t'a donné la meilleure chose qu'il donne dans cette dunya, c'est l'islam. Ça c'est une seule ni'ma. Et si on commence à vouloir compter les bienfaits d'Allah, on ne pourra jamais le faire, comme Allah l'a dit. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Donc ils sont décédés avant les conquêtes et avant l'ouverture de dunya sur les musulmans avec les différentes conquêtes et tous les butins qu'ils ont pu prendre de ces guerres et de ces batailles, radiyallahu anhum tous. Donc ça c'est Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Également As'ad ibn Zurara, et avec lui je termine, radiyallahu anhu. As'ad ibn Zurara, comme on a vu, il a participé dans la première rencontre, la deuxième, la troisième. Et c'est lui qui a accueilli Mus'ab ibn Umayr à Médine. Et ils se sont entraînés dans la da'wa en voulant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, il n'y a jamais eu de différend entre eux. Car chez les compagnons, radiallahu anhum, ce qui compte, c'est que la religion soit propagée. Et non pas, est-ce que c'est moi qui va propager? Est-ce que c'est moi qui va être en tête? C'est qui la grande référence de la da'wa? Non, tout ça, c'est pas dans leur calcul. Celui qui vise, qui est auprès d'Allah, il veut que le haq soit propagé. Et même, il préfère que ce soit propagé sans que son nom soit évoqué. Même si c'est par son intermédiaire, comme l'a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah. Donc As'ad ibn Zurara, quand il était décédé, radiyallahu anhu, il est décédé dans la première année de l'immigration. Les Médinois, sur lesquels il a été désigné comme référent, sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit, As'ad est décédé. Désigne-nous donc un deuxième homme pour le remplacer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, c'est moi votre référent. Ana naqibukum. Et As'ad ibn Zurara, il est rapporté que c'est le premier homme qui a été enterré dans le cimetière de l'Baqir à Médine, juste à côté de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Ce cimetière dans lequel sont enterrés la plupart des compagnons, radiallahu anhum. Les compagnons qui sont décédés à Médine, radiallahu anhum. Voilà, mes frères et sœurs, pour aujourd'hui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous aider à l'adorer comme il aime, conformément à la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, et sincèrement, en ne visant que sa face, subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et demain nous allons parler, j'ai oublié de le préciser, nous allons parler de l'hijra du prophète عليه الصلاة والسلام, ce grand événement que j'ai préféré garder jusqu'au cours prochain pour le réserver. Je ne sais pas si on arrivera à le faire en un seul cours, mais en tout cas que les cours qui seront réservés à l'hijra, yani, on ne les mélange pas avec d'autres sujets, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, par rapport à aujourd'hui. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.